Radio Éducation, la radio qui vous apprend à apprendre. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'émissions sur l'enfance en difficulté en parlant du Patro d'Ottawa, qui est un organisme de la ville d'Ottawa qui offre des services à l'enfance en difficulté. C'est pas nécessairement dans leur mission, mais par incidence, puisqu'ils sont impliqués dans la communauté, ils offrent différents services aux enfants qui ont des difficultés. Commençons par donner un peu d'histoire, un contexte historique. L'origine des patros commence en France dans les années 1800. C'est en 1833 que Frédéric Ozanam fonde l'œuvre de la conférence des frères de Saint-Vincent-de-Paul afin de venir en aide aux plus démunis qui sont dans son milieu. En 1845, Jean-Léon de Prévost, avec ses compagnons Clément Mionnet et Maurice Magnan, fonde l'Institut des Frères de Saint-Vincent-de-Paul. C'est ainsi que commence le patronage de la rue du Regard. Et ensuite, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul arrivent au Canada, dans la ville de Québec, en 1884. Dès la nuit suivante, on a le premier patro qui est créé sur le sol canadien. Il s'appelle le patro Saint-Vincent-de-Paul de Québec. Au fil des années, plusieurs autres patros sont fondés par la communauté religieuse. Aujourd'hui, on compte 7 patros canadiens, dont 6 dans la province de Québec, puis un seul dans la province de l'Ontario, qui est le patro d'Ottawa, qui se situe sur la rue Cobourg, dans la basse ville d'Ottawa. Maintenant, c'est bien beau de savoir d'où ils viennent, mais qu'est-ce que c'est vraiment un patro? Un patro, c'est un centre communautaire de loisirs au service de la population francophone, un lieu d'accueil, d'entraide, qui offre des activités sportives, récréatives et des activités pastorales. Le patro, c'est avant tout un milieu de vie où tous sont accueillis et respectés. C'est un endroit où les francophones de tous les âges et de toutes origines peuvent se rencontrer et participer à diverses activités. La mission du patro. Le patro est un milieu de vie d'inspiration chrétienne axé sur l'entraide, le loisir et l'action communautaire. Il favorise le mieux-être, le développement et la dignité des personnes de toutes origines et particulièrement les plus vulnérables. L'œuvre du patro se réalise par l'engagement du personnel et par le dévouement de nombreux bénévoles et donateurs. Le patro d'Ottawa offre différents services. Il y a d'abord un programme pour les 5 à 11 ans. En semaine après l'école au patro, il y a un club de devoirs, de l'activité physique, des sports, de l'art. Le patro a entre autres un partenariat avec l'école Sainte-Anne. Les employés vont se rendre à l'école après l'école, puis vont prendre quelques enfants qui vont se rendre au club de devoirs. Il y a aussi le même type d'activité durant la semaine lors des journées d'école pour les adolescents de 12 ans et plus. Il y a des activités récréatives, des sports, ainsi de suite pour ce groupe d'âge-là aussi. Pour les adultes, il y a des activités récréatives, d'approfondissement, des activités sportives de jour, de soir et durant la semaine. Il y a aussi un club pour les personnes âgées où est-ce qu'il y a des sorties, différentes activités sportives, du bingo et différentes possibilités de socialiser entre eux. Pour les personnes adultes ayant une déficience intellectuelle, il y a un programme de jour en français pour les adultes qui ont un handicap de développement pour accroître l'autonomie et le bien-être, pour sensibiliser la communauté aux enjeux auxquels font face les adultes ayant un handicap de développement. Je suis aussi au courant d'un programme, d'un partenariat qu'il y a entre le Collège catholique Samuel Genet, puis leur classe en jeunes adolescents ayant des déficiences intellectuelles font des activités avec les personnes adultes du patro qui ont le même type de déficience. Il y a une variété d'activités récréatives et sociales offertes chaque jour. Les participants et les participantes choisissent selon leurs goûts et leurs intérêts. La composante autonomie au quotidien est au cœur du programme. On leur apprend différentes habiletés qui vont être en mesure de se servir pour développer leur autonomie. Maintenant, nous avons Mélodie Demers qui a bien accepté de se joindre à nous pour nous parler du patro d'Ottawa. Mélodie est une employée du patro depuis plusieurs années. Donc, Mélodie, merci de te joindre à nous. Ça fait plaisir. Pourrais-tu nous parler de ton cheminement au sein du patro, des différents postes que tu as occupés? Oui, ben j'ai commencé en étant monitrice. J'étais en charge des groupes d'enfants. J'étais supervisée par des superviseurs qui étaient coordonnateurs. J'étais vraiment avec les enfants directs. Après ça, je suis montée comme coordonnatrice au secteur jeunesse. Puis là, j'étais en charge vraiment des moniteurs. Encore des enfants, mais plutôt des moniteurs. Ma job, c'était de m'assurer que tout le monde, le bon déroulement du programme, de m'assurer que les enfants avaient que les enfants avaient tout ce qu'ils avaient besoin, comme matériel, comme soutien, etc. C'est parfait. J'aimerais ça qu'on se concentre sur un des programmes du Patro, qui est le club de devoirs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi le déroulement du club de devoirs en une journée typique? Comment OK. ça se passe? Donc, le club de devoirs, ça commence vers 2h30, quand la cloche, ben 2h45, quand la cloche de l'école Sainte-Anne sonne. On va chercher les enfants à l'école. Après ça, on les ramène, on les installe dans la salle de devoirs. Et puis, ensuite, on passe le matériel. On a des boîtes de matériel qu'on donne sur chaque table, avec assigné à certains groupes. Et puis, après ça, on commence la période de devoir. Donc là, il y a de l'aide au devoir. Donc, les moniteurs se promènent, répondent aux questions, aident avec différents problèmes, que ce soit de mathématiques ou de français. Et puis, la coordonnatrice, donc mon rôle à moi, c'est plus de se promener puis de faire sûr que les moniteurs font bien leur emploi, puis que les enfants sont bien pris soin. Puis, quel type de clientèle vous avez au club de devoirs? La clientèle type? C'est très multiculturel. La clientèle typique, c'est des familles avec des revenus plus bas que la moyenne. Puis c'est de différentes nationalités, là. On a vraiment de tout, pas trop. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des enfants qui vivent des difficultés d'apprentissage ou qui rencontrent différentes difficultés lorsque vient le temps de faire leurs devoirs? Absolument. Il y a plusieurs personnes qui rencontrent plusieurs difficultés au patro, là. J'ai eu une petite fille qui avait beaucoup de difficultés en mathématiques, puis il a fallu passer plus de temps avec elle sur certains problèmes. Il y a d'autres enfants que c'est plus au niveau du français, ça dépend. C'est souvent maths-français qui cause le plus de problèmes, là. Anglais, d'habitude, on n'a pas trop de soucis avec ça. Puis comment on fait quand on est un employé au patro, qu'on se rend compte qu'un jeune a des difficultés, puis qu'on n'a pas nécessairement accès à son dossier scolaire, puis au diagnostic peut-être que l'enfant a au niveau de l'éducation? Comment on fait pour travailler avec cet enfant-là quand on n'a pas accès à ces informations-là? Ben, en fait, ce qui arrive maintenant, c'est que le moniteur est supposé communiquer avec le coordonnateur, et puis le coordonnateur, lui, parle avec le directeur de l'école, puis il s'échange des messages au niveau des difficultés. Ça peut être aussi à cause qu'un enfant, il amène jamais ses devoirs, différentes situations, mais on peut l'utiliser aussi pour les troubles d'apprentissage. Puis là, le directeur nous répond avec une réponse assez courte, là. Telle personne a telle difficulté d'apprentissage et dans telle classe. Fait que là, nous, ça nous aide à savoir qui telle personne, on l'identifie avec sa difficulté, puis là, on peut l'aider. Donc, il y a vraiment une communication entre le patro puis l'école. Oui, on essaie le plus possible. Puis, est-ce que c'est une entente qui est seulement avec Sainte-Anne? Est-ce que vous avez seulement des enfants de Sainte-Anne ou vous avez des enfants de d'autres écoles qui se joignent à vous? Ben, malheureusement, étant donné que la clientèle est vraiment plus de Sainte-Anne, on communique seulement avec les enfants de Sainte-Anne, mais je dirais qu'on a à peu près peut-être 3 jeunes qui viennent d'une école différente, là. Fait que ceux-là, par contre, on n'a pas de service avec leur directeur à eux. Puis comment est-ce qu'on forme nos employés à faire face à ces difficultés-là? Est-ce que les employés du patrouille, les différents moniteurs ont une formation spéciale ou comment on approche ça? On donne des formations à l'aide aux devoirs. Moi, je sais que j'avais essayé d'implanter des exemples. J'avais essayé de demander au directeur de m'imprimer des exemples de devoirs pour pouvoir entraîner mes moniteurs à savoir quel type de problème ils vont faire face au cours de l'année, mais ça n'a pas fonctionné. Je sais pas si ça va fonctionner plus tard, mais c'est quelque chose qu'on essaie. À part de ça, pour préparer les moniteurs, on leur dit, écoutez, c'est sûr qu'il va y avoir une clientèle variée, puis que quand il y a vraiment un trouble d'apprentissage, vous pouvez toujours faire affaire avec le coordonnateur, là, s'il y a vraiment un problème au niveau de la communication. Puis où est le parent là-dedans? Le parent est souvent malheureusement absent dans ces situations-là. Les enfants qu'on a au club de devoirs n'ont pas nécessairement leurs parents n'ont pas nécessairement le temps ou mettent pas l'investissement de temps avec eux sur les devoirs. Donc, nous, on se retrouve un petit peu en charge là, des enfants. Puis ça, c'est pour la majorité des cas, là. Mais il y a des parents qui s'impliquent à leur manière, puis on a la communication entre le moniteur puis les parents. Si on voit que le devoir se fait pas ou qu'il y a des difficultés, là, on se communique ensemble. Puis peut-être une dernière question au niveau de comment on pourrait peut-être améliorer le programme ou de quoi est-ce que le club de devoirs aurait besoin pour être plus efficace? Ça, c'est une bonne question. Ce qu'il y aurait besoin pour être plus efficace, moi je dirais plus de moniteurs sur le plancher parce qu'il y a tellement d'enfants avec deux moniteurs puis 38 enfants, c'est pas assez du tout, là. Il faudrait qu'il y ait plus de moniteurs, faudrait qu'il y ait plus de matériel. On a essayé de rajouter dans nos boîtes de matériel des outils comme des échelles de numération, puis des choses comme ça. Mais je trouve que si on aurait encore plus d'outils, plus de dictionnaires, plus de Becherel, ça l'aiderait vraiment. À part de ça, peut-être avoir deux salles séparées, tu sais, au lieu d'avoir toutes les 38 élèves dans la même salle, peut-être avoir deux salles avec des moniteurs différents dans les deux salles. Comme ça, c'est plus tranquille, c'est moins. C'est plus calme, les enfants sont plus aptes à étudier. Ouais, je pense que c'est ça. C'est des bonnes solutions. Qu'attendons-nous pour les implants? Donc, Mélodie Demers, merci d'avoir accepté de faire cette entrevue. J'apprécie le temps que vous m'avez donné. Ça me fait Puis, plaisir. bonne chance avec votre club de devoirs puis votre partenariat avec l'École Sainte-Anne. OK, bien merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, le Patro d'Ottawa, avec son club de devoirs, offre des services à certains enfants qui sont en difficulté. Heureusement, le Patro d'Ottawa bénéficie d'une entente avec l'École Sainte-Anne et une bonne communication est établie entre la direction de l'école et l'organisme communautaire, ce qui permet de recevoir des bonnes lignes directrices à savoir comment intervenir avec l'enfant. Évidemment, on s'en tient à la loi sur la protection de l'information. On ne peut pas partager n'importe quelle information avec le patro. Aussi, on a discuté avec Mélodie du fait que lorsqu'un enfant provient d'une autre école, on n'a pas nécessairement ce type de communication-là. Donc, ces enfants-là sont défavorisés d'une certaine façon puisqu'on n'a pas une ligne de conversation avec leur direction qui nous permet d'être conséquents et d'établir un plan d'action qui permet d'aider l'enfant dans ses devoirs. Il ne faut pas oublier que les différents moniteurs au patro ne sont pas nécessairement des gens qui ont des diplômes collégiaux ou universitaires en enfance en difficulté ou en technique d'éducation spécialisée. Il y a certains des moniteurs qui sont en voie d'obtenir ce type de diplôme-là, mais ce n'est pas nécessairement le cas de tous. Donc, comme Mélodie l'a dit, il y a certaines formations qui sont offertes. Par contre, c'est sûr que le patro bénéficierait de différentes de formations qui sont peut-être plus soutenues pour que leur moniteur ait une meilleure idée de comment intervenir avec les différents types de difficultés vécues par les élèves qu'ils rencontrent. Malgré les différents défis dont nous avons discuté, je crois qu'il est important d'avoir des organismes communautaires tels que le PATRO qui sont en mesure d'aider les élèves en dehors de l'école, avec leurs devoirs ou avec d'autres difficultés qu'ils peuvent rencontrer à la maison. Je pense que l'école est une grande partie de la vie d'un enfant. Par contre, il faut s'entendre qu'il y a aussi une bonne partie du temps qui est passé à l'extérieur de l'école. C'est peut-être à ce moment-là que les organismes communautaires peuvent jouer un rôle. Puis, lorsqu'ils établissent un partenariat avec les différentes écoles, comme c'est le cas entre le PATRO puis l'école Sainte-Anne, ça permet d'offrir une certaine consistance dans les interventions. C'est-à-dire qu'on est sur la même longueur d'onde, si on veut. C'est la continuité d'une intervention plutôt que différentes interventions qui pourraient mélanger l'enfant. C'est important pour les écoles d'être au centre de leur communauté, puis en étant au centre de leur communauté, ça leur permet de bâtir différents types de partenariats avec les différents organismes communautaires. Si vous aimeriez en apprendre plus sur le PATRO ou si vous aimeriez communiquer avec eux, vous pouvez les joindre par courriel à info@patro-ottawa.com ou vous pouvez aussi les rejoindre par téléphone au 613-789-7733. Le PATRO d'Ottawa se fera un plaisir de répondre à vos questions ou de vous aiguiller vers leurs différents services qui vont répondre à vos besoins. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. C'était Karine Carrière pour Radio Éducation à Ottawa.